dire à tous ceux qui ont péché. Les ghettos yeux de pencher, capuché, toujours chaud quand faut gouacher. Je suis surprenant comme celui qui te l'amène. Impossible de se calmer, accélère et frappe comme Riquelme. Quel mec peut prétendre me causer des blessures? Adressé à ceux qui paiera seulement pour le plaisir. Ordure, frénésique, organise l'ouverture de la chasse à l'homme, des imposteurs et pourriture. C'est Rex, lâche du lest et impose son lust. Et je manifeste mon texte car je suis le must, le best, celui que personne ne désire test. Je n'estime que ceux de ma team, donc retombe ta veste. Mine là, vas-y dis c'est qui représente là. Illégal comme les trafics de 16 ou de Z là. On veut tout prendre parce qu'on a rien du tout. On peut te mettre à l'aise comme on peut te tordre le cou. Vous êtes venus à plein, t'inquiète on est beaucoup. Illégal, Sunny Island pour les un coup. La mine, c'est comme du shit dans ta poche, ouais. Échange de produits sous le Porsche. Dans la bouche d'un keuf, une droite que je décoche. Quand tu rentres pas en boîte parce que t'es moche. Un chorat de sacoche, un carjacking avenue Foch. C'est comme les affaires de la famille Arcouche. Quand tu vends la mèche alors qu'on t'a pas sonné les cloches. C'est comme ton faux Van Dutch. Quand t'en rentres chez toi avec tes gants, une cagoule et une torche. Compteur bloqué sur l'autoroute en Porsche. La traque des poches, la caisse pour remplir mes poches. De Sunny Island à Hoche, illégal, radio illégal. C'est vrai que chichi la mine on l'est jusqu'au trou de balle. On veut tout prendre parce qu'on a rien du tout. On peut te mettre à l'aise comme on peut te tordre le cou. Vous êtes venus à plein, t'inquiète on est beaucoup. Illégal, Sunny Island pour les un-coups. C'est Cerex l'authentique, Cerex l'illicite, Cerex suspapi, Cerex illégal comme frénésique. On fonce dans le tas, on nique tout si ça se complique. C'est pour les bonhommes solides malgré des parcours tragiques. C'est anti-Zulu, Zamel, on mange pas dans ma gamelle. C'est à Sunny Island j'ai fait mes gamènes. Chez nous on méprise les Bounty, les Haki. On suce pas les caries, on baisse tout Sarkozy. Car mec de Tessie avant d'être artiste. On se pousse la santé, mais t'inquiète, toujours actif. Toujours aussi vif, toujours sur le qui-vive. Toujours ces fils de pute de keuf qui t'empêchent de vivre. On veut tout prendre parce qu'on a rien du tout. On peut te mettre à l'aise comme on peut te tordre le cou. Vous êtes venus à plein, t'inquiète on est beaucoup. Illégal, Sunny Island pour les un-coups. On veut tout prendre parce qu'on a rien du tout. On peut te mettre à l'aise comme on peut te tordre le cou. Vous êtes venus à plein, t'inquiète on est beaucoup. Illégal, Sunny Island pour les un-coups.